l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Il y a mille manières de présenter un son comme celui-ci. Mais je crois que la première chose, c'est de l'écouter en entier, puis après ça, quel est l'angle d'attaque pour faire une description ? Est-ce que je m'arrête à l'idée d'une espèce animale dont je peux supposer que c'est un insecte et que c'est plutôt une cigale et que les cigales, elles ont tendance comme ça à se mettre en route avec des stridulations qui vont en s'accélérant jusqu'à devenir un son qui est constant et que en langage schéfferien, on appellerait un son itératif, c'est-à-dire en fait qui est constitué de toutes petites cellules qui sont collées les unes aux autres et ça de manière de plus en plus serrée. Et ça me donne une première envie, c'est de ralentir pour voir ce qui se passe. L'intensité animale des forêts tropicales. Vous écoutez un paysage de nuit que j'ai enregistré dans les hauts de Lens d'Arlet, en Martinique. Bernard Faure, compositeur et ornithologue, m'avait dit que là, il se jouait une bien étrange nuit animale. Peut-être avez-vous déjà remarqué qu'en Europe, à l'heure bleue, l'heure du merle, les oiseaux de forêt se taisent pour laisser place à une vie sonore nocturne plus rare. Sous les tropiques, le crépuscule dure un bref instant et très rapidement les forêts se gorgent de sons d'animaux qui atteignent parfois un volume si important qu'il est difficile de dormir si l'on n'est pas habitué. Pauline Oliviero, Murray Schaeffer, puis Bernie Krause ont posé les fondations d'une écoute des paysages sonores, des fondations continuellement bousculées par les pratiques sensibles d'enregistrement du terrain, par le field recording, par les découvertes de cette science naissante qu'est la bioacoustique, par les approches singulières des audio-naturalistes. Ces dernières années, ils et elles ont particulièrement enregistré les nuits des forêts tropicales du Mexique à l'Amazonie, de Taïwan à Bornéo, de l'Inde à la Réunion. Nous allons entendre que la densité animale des nuits tropicales semble avoir posé à ces explorateurs bioacousticiens, naturalistes ou musiciens un grand nombre de questions. Est-ce que les animaux s'entendent ? Est-ce qu'ils partagent l'espace sonore ? Est-ce qu'ils partagent le temps de la nuit ? Est-ce qu'ils fabriquent cette harmonie qui semble évidente à leur écoute ? Est-ce qu'ils ont des stratégies de groupe pour prendre place ? Mais peut-être que mes questions sont anthropocentrées. Voilà, on vient d'entendre un... Ça, c'est les petits caïmans. Hop, ça, c'est les petits caïmans qu'on entend. Tchou. Donc il y a beaucoup d'insectes. Hein. Un oiseau, je ne saurais pas vous dire quelle espèce, si on entend de temps en temps. Voilà. Là, on entend la mer qui répond. Oh. Voilà les petits. Et là, il n'y a pas de réponse de la mer. Je m'appelle Thierry Aubin. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Et je travaille à l'université Paris-Saclay dans un laboratoire qui s'occupe de la bioacoustique, c'est-à-dire des communications acoustiques animales. de l'ambiance diurne sur ces forêts dites forêts corridor le long d'une rivière qui s'appelle le Rupunini et où nous étudions les caïmans noirs qui sont très impressionnants. Hein, le mâle peut faire quand même jusqu'à 6 mètres de long. Comment on trouve des caïmans et des sons de caïmans ? On va à pied le long des petits cours d'eau dans la forêt de nuit. C'est très pratique d'abord parce que souvent les caïmans ou crocodiles vivent beaucoup la nuit. Et ensuite, pour nous, c'est beaucoup plus facile de les repérer parce qu'en fait, on a des grosses lampes torches et on éclaire les rives des petites rivières. Pour les repérer, c'est simple. Lorsqu'on voit deux spots rouges, ce sont des yeux de caïman. Et donc là, on est sûr d'avoir affaire à un caïman. Le plus simple, c'est de travailler la nuit avec ces animaux-là. Et en plus, ça correspond bien à leur activité biologique. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font la nuit ? La nuit, ils chassent. Ce qu'il faut entendre, c'est les trois notes très cristallines, très rapides. Voilà, on n'entend qu'un seul mâle, mais en fait, en fond, il y en a d'autres qui se répondent. Et le grincement qu'on a entendu avant, c'est une rainette de sous-bois qui s'appelle Osteocephalus oophagus. Tatatat. Il s'agit d'une espèce de grenouille que j'ai pu décrire en 2013, qui est endémique de l'est de la région des Guyanes. J'ai décrit sa morphologie, son chant, et en fait elle a un chant très particulier. Elle produit 3 à 4 notes très cristallines, et elle le fait qu'au crépuscule. Et tout d'un coup, on entend les mâles qui se répondent, parce qu'ils chantent en fait la tête en bas sur les troncs des arbres. Et donc toute la forêt tintille de ces chants à une heure très précise. Et cette espèce est endémique donc de la région des Guyanes, et donc on connaît qu'une dizaine de populations, qu'une poignée de populations. Et ces populations sont complètement isolées parce qu'en fait, l'espèce n'existe que sur les massifs qui dépassent 400 mètres d'altitude. Et on pense que cette espèce pourrait être menacée par l'impact du réchauffement climatique, puisque les massifs ne dépassent que très rarement les 600 mètres d'altitude en Guyane, et donc l'espèce risque de se retrouver coincée en haut, en fait. Je m'appelle Antoine Fouquet, je suis chargé de recherche au CNRS. J'étudie principalement les amphibiens et les reptiles d'Amazonie. Je vais vous faire écouter le son d'une grenouille fouisseuse qui a été réalisée sur la même montagne. C'est une grenouille qu'on appelle qui fait partie du groupe des grenouilles taupes. Et en fait, c'est des espèces qui passent le plus clair de leur vie sous terre. Elles creusent des galeries, elles ont d'ailleurs une morphologie adaptée pour creuser. Donc elles ont des avant-bras réduits, elles ont des excroissances dermiques sur les mains qui lui font prendre la forme de pelle, en fait, qui lui permettent d'évacuer la terre. Et elle a un crâne hyper ossifié et un museau renforcé qui lui permet de creuser avec sa tête. Et toute sa musculature antérieure du corps est modifiée pour pouvoir creuser, vraiment comme une taupe. Et ces grenouilles sont, par conséquent, extrêmement difficiles à observer. Par-dessus le marché, elles chantent très rarement. Elles chantent, surtout la nuit, lors des premières précipitations de la saison des pluies. Donc à la fin de entre la saison sèche et la saison des pluies. Et elles chantent qu'à cette occasion. Et donc non seulement elles chantent rarement, mais en plus elles sont sous terre. Donc quand elles se mettent à chanter, en général on n'est pas préparé, et on se retrouve à creuser à main nue le sol pour essayer de les trouver. Et donc j'ai pu décrire cette espèce, et je l'ai appelée Synapturanus zombie, puisque quand on a creusé avec un collègue pour la trouver, on s'est dit que c'était la nuit des morts vivants, parce qu'il pleut des averses, il y a des éclairs qui zèbrent le ciel, et on se retrouve à creuser la terre à main nue. Et on connaît que quelques populations de cette espèce qui est aussi endémique de Guyane française et d'Amapa. Alors là, on entend d'abord des chants lointains. Il s'agit donc d'une note flûtée, là, qu'on entend dans le loin. Et après, bah, on va entendre de plus près. D'ailleurs, on entend mes pas, là, je me rapproche du mâle en train de chanter. Et comme elle chante sous terre, c'est extrêmement difficile à localiser. Donc on triangule pour voir le point de jonction entre les deux azimuts. Et ça permet de délimiter une zone. Et ensuite, on enlève les feuilles et puis on commence à creuser en fait la partie superficielle du sol jusqu'à espérer tomber sur une galerie et suivre la galerie pour tomber sur l'individu. Ah, on se rapproche, on entend mieux. Il y en a un là qui est tout près. Ah ben on m'entend en train de parler même. Donc on entend là, voilà, on a bien entendu, et on entend là le ruissellement de la pluie sur les feuilles après l'averse. Là, on entend la forêt qui s'essore. Là on a bien entendu, donc là je suis très près. J'ai pas encore réussi à lui faire assez peur pour qu'elle arrête de chanter. Ah, on est encore plus près, comme un radar qui se... On se rapproche de la cible. Elle est intimidée, le chant était avorté là un peu. Là. Et puis là, vous repérez 15 caïmans. À un moment, on repère plein de petits yeux rouges. Ça correspond à des jeunes caïmans, donc qui font à peu près, ça fait 20-30 cm, et qui sont le long de la rive. Et donc, évidemment, on s'arrête pour, essayer de les enregistrer, les capturer aussi, parce que... En fait, on va enregistrer différentes catégories de cris. Et pour une catégorie de cris émis par ces animaux, il faut les saisir parce que c'est un cri qu'ils émettent lorsqu'ils sont saisis par un prédateur. Dans bioacoustique, il faut interroger les animaux. Pour interroger un animal, c'est très simple. Donc on lui pose une succession de questions. D'abord, la première, c'est on lui réémet un des signaux qu'il a à son répertoire, déjà on voit sa réponse. Par exemple, si c'est un cri de contact que vous avez enregistré, que vous le réémettez, les autres petits vont répondre et ceux que vous testez vont venir vers le haut-parleur. Dans ce répertoire de vocalisation, il y a différentes catégories. Il y a les cris dits d'éclosion qui sont émis dans l'œuf par le jeune et qui font venir la mère qui vient vers le nid où il y a tous ses œufs. Et la mère aide en craquant un peu les coquilles les petits à sortir. Donc ça, c'est les cris d'éclosion. Après, vous avez les cris de contact. Bon, une fois que les jeunes sont sortis, qui sont à 2-3 jours, ils commencent à émettre ces cris. C'est des cris qu'ils émettent entre eux pour rester groupés. Et c'est un cri aussi qui permet à la mère de localiser ses petits et donc de rester à proximité. Ensuite, vous avez une autre catégorie encore qui sont les cris de détresse. Ces cris de détresse sont émis lorsque l'animal est saisi par un prédateur. Alors, en général, c'est des hérons ou des varans ou des animaux comme ça. Et à ce moment-là, ça déclenche chez les autres une légère fuite. Mais surtout, ça déclenche l'arrivée de la mère qui vient pour défendre ses petits. On en écoute un ? Oui, vous allez entendre la différence assez subtile entre les cris de contact et les cris de détresse. Il faut être, je pense, un crocodile pour voir la différence. Alors, on va écouter un cri de contact d'abord. En voici un. Ce sont des cris qui sont émis lorsque le jeune est un peu isolé et cherche à reprendre contact avec les autres, ou avec sa mère. Maintenant, on va écouter des cris de détresse. Voilà, c'est cri de détresse. Donc, c'est, je rappelle, hein, c'est les cris qui sont émis lorsque l'animal est saisi par un prédateur. Et là, ça va vraiment déclencher l'arrivée de la mère, hein, qui n'est pas contente du tout. Alors, la mère va, à ce moment-là, émettre des fois des cris de menace. Alors, donc, ce cri, le voilà. C'est impressionnant, comme vous pouvez l'entendre. Oui, on peut le réécouter. Là, c'est vraiment un cri d'intimidation vis-à-vis du prédateur qui est destiné à faire fuir. Alors ça, c'est le cœur du travail d'un bioacousticien. Le cœur du métier, c'est non pas d'enregistrer les signaux, mais c'est plutôt d'expérimenter des signaux que l'on modifie pas à pas de façon à, entre guillemets, craquer le code. Pour ce faire, on prend le signal naturel, normal, et on le modifie pas à pas suivant des paramètres acoustiques qui peuvent être, un son, c'est des fréquences, une durée, une intensité. Et donc on modifie ces paramètres pas à pas, et à chaque fois on questionne l'animal, et si l'animal ne répond plus au signal où à l'origine il répondait, ce qu'on appelle le signal naturel contrôle, c'est qu'on a détruit un paramètre important de l'information. Et c'est comme par cette succession de questions-réponses de l'animal qu'on, entre guillemets, craque les codes. On écoute un signal de contrôle ? Voilà, un signal de contrôle. C'est un signal qui est maintenant complètement construit, donc de synthèse, mais sur le modèle absolu du signal naturel. Et partant de ce signal, on va modifier un paramètre. Là, par exemple, je vais enlever tous les harmoniques supérieures et ne garder que la fréquence de basse, qu'on appelle la fréquence fondamentale. On peut l'entendre, ce signal. Un tel signal, les petits crocodiles et la mère le comprennent parfaitement. On peut entendre par contre un son où on a détruit un paramètre qu'ils ne comprennent pas, qui est celui-ci. Alors, par rapport au signal contrôle qu'on peut réécouter, la différence est assez subtile, mais je pense que les musiciens l'entendent. C'est-à-dire que le dernier, qui est le signal normal, on a une fréquence qui descend. Dans l'autre, la pente monte. Le fait d'avoir détruit le sens de la pente, la pente et son sens et sa valeur de sa pente en fréquence est très importante, est un paramètre du code principal. Une nuit de pluie tropicale en Martinique, je me cache sous la bâche qui protège une moto juste à côté d'un petit muret. Alors que la nuit s'intensifie, j'attends et quelque chose se passe. Quelque chose de très vertical entre dans le microphone, file le long de la perche pour arriver dans mes oreilles. Exténué, je m'accroche à la perche pour ne pas sombrer. Un goutte à goutte s'installe sur la bâche jusqu'à provoquer chez moi une certaine exaspération. Et c'est alors qu'un oiseau semble caler son chant sur le rythme de la goutte. Et puis, un peu plus tard, des grenouilles, très fortement bruissantes, me font sortir de ma torpeur. Elles semblent avoir pris tout l'espace. Comment répondre aux questions que posent les animaux ? Est-ce que ces questions sont posées dans l'espèce, entre individus de différentes espèces ? Est-ce qu'elles ont des désirs esthétiques ? Est-ce qu'elles ont des envies musicales ou de séduction ? Est-ce qu'elles sont sensibles aux sons qui ne sont pas des sons d'animaux ? Et qui peut répondre à ces questions ? Des scientifiques ? Des artistes ? Les deux ? On est quelques-uns à travailler sur cette idée que l'on peut suivre la biodiversité, l'analyser, la comprendre, simplement en l'enregistrant, en l'écoutant. Et donc on fait ces recherches au NORAG, mais aussi dans d'autres sites en France ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a cette station sous les tropiques qui est vraiment une chance, puisqu'on peut installer des équipements sur le long terme notamment. On a installé une sorte de station acoustique, on peut la penser un peu comme une station météo. On prend des données régulièrement. Donc on a un enregistreur qui enregistre une minute tous les quarts d'heure, tout le temps, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec un microphone qui est à hauteur d'homme et un microphone qui est dans la canopée, c'est-à-dire tout en haut des arbres, dans la frondaison, à 40 mètres de hauteur. Jérôme Sueur, éthologue et bioacousticien. Et donc l'idée est de suivre le paysage sonore, l'environnement sonore de la forêt sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement enregistré pendant quelques jours, mais c'est enregistré pendant plusieurs années, on espère pendant une quinzaine d'années. L'idée est d'essayer de voir s'il y a un changement dans ces paysages sonores, notamment dans leur rythme annuel, dans leur saisonnalité. Et ce, en fonction des changements qui peuvent arriver, notamment les changements liés au changement climatique. Alors on va écouter un son tout de suite pour imaginer où on est. Là, que j'aime bien. C'est le soir, il y a des amphibiens, il y a des insectes, il y a aussi des mammifères, des oiseaux, il y a un petit peu de tout. Top. Il s'agit d'un paysage extrêmement dense. Il y a beaucoup de sons, et beaucoup de sons alors d'insectes, d'oiseaux, il y a des petites grenouilles là, qui sont très purs, et puis là il y a un gros son qui va arriver. Voilà, donc c'est un enregistrement d'une minute qui, sur une minute, on a déjà plusieurs vingtaines de sons différents facilement, dont beaucoup sont inconnus. On a cette diversité que l'on connaît en forêt tropicale, la diversité des formes, des couleurs, on la retrouve en fait acoustiquement. C'est notamment le cas de nombreux insectes qui occupent pourtant un grand volume sonore dans cet espace acoustique. Sur cet enregistrement, il y a a priori une douzaine d'insectes différents, mais je suis incapable de mettre un nom, de déterminer ces sons. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut le faire. À mon avis, il n'y a même personne. Ça fait une bande sonore, comme ça, comme un tapis sonore. Alors, top insectes. Quelques grenouilles qu'on entend dans les basses fréquences, dans les sons graves et qui sont un petit peu loin. Et puis il y a cette sorte de bruissement général qui est tout le temps là en fait pendant toute la nuit. Alors qui va varier un petit peu au cours de la nuit, qui va être un peu plus intense dans les premières heures de la nuit, qui va un petit peu après s'affaiblir. Un son qui varie aussi un petit peu avec la température. Mais c'est vraiment un ensemble sonore qui donne de la consistance en fait sonore à la forêt. Et si on enlève ces insectes, dont on ne prête pas souvent attention. C'est-à-dire que quand on se balade dans la forêt, on va chercher des sons un petit peu saillants, une grenouille, un oiseau, un mammifère. Mais on oublie, à force, on oublie ce son parce qu'il est tellement continu qu'il y a un peu un principe d'habituation. Mais il est vraiment très important. Par exemple, si on peut l'enlever artificiellement, on se rend compte alors de son importance. Alors là, c'est le même son que vous avez filtré ? Oui, je vais vous faire écouter la forêt sans le son des insectes. Top. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir vidé un petit peu la forêt de son contenu. Et c'est ça qui, moi, me semble étrange. Et c'est que, finalement, c'est la part sonore presque la plus importante de la forêt et c'est la plus méconnue. On ne sait rien dessus. Il est possible que chaque insecte occupe une bande de fréquence particulière. Alors si j'écoute bien attentivement, il y a effectivement des sons qui sont très étirés. Ti, ti, ti, très réguliers. Et on en entend un autre. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Il y a une temporalité qui est complètement autre. Et puis on entend des stridulations qui sont très aiguës, qui font une espèce de petit brouillard, une petite brume très aiguë et continue. Et comme chacun a sa temporalité, les choses se calent et se décalent. En voilà un qui vient de se mettre en route, et il s'est mis en route au moment de la prise de son. Je ne suis pas venu le rajouter. Bernard Faure, compositeur, audio-naturaliste et ornithologue. Nous sommes à San Miguel de Allende, une petite ville dans l'état du Guanajuato, au Mexique. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude et le paysage, c'est un paysage mi-sauvage, mi-agricole, mi-désertique. Ça fait un peu penser à une savane arbustive, quelque chose de ce type-là. Je me suis dit que j'allais faire des prises de son de nuit, parce que le paysage sonore était bourré d'insectes. Et ce qui est très intéressant chez tous ces insectes, c'est qu'ils ont tous une signature sonore qui est très particulière. Chacun joue une partition qui est très précise et qui n'est pas du tout la même que son voisin. Et puis l'idée m'est venue de faire une expérience. J'étais dans une espèce de petit chemin, donc entouré de buissons et de cette savane arbustive. Et la parabole à la main, le casque sur les oreilles, je visais dans une direction précise. Et je m'apercevais que si je me positionnais bien à un endroit, c'est-à-dire si ma parabole était dans le bon axe, alors j'avais une image acoustique que je trouvais superbe. L'instant d'après, je faisais stop sur le magnéto et puis je me tournais peut-être de 45 degrés et j'essayais de trouver exactement une position tout aussi intéressante musicalement que la première. Et j'ai fait ça pendant 3 soirées. Donc en fait, mon exercice de composition était avant tout un exercice d'écoute. C'est-à-dire avec des cellules rythmiques. J'entendais ça vraiment comme une musique répétitive. On écoute ? Top. C'est notre écoute qui donne le statut de musique ou pas à ce que nous entendons. Ce n'est pas forcément les insectes qui ont décidé, eux, d'être musiciens. Et donc la nuit continue, avec cette chose quand même qui est que plus la nuit avance, plus elle se refroidit et plus les rythmes se ralentissent. Là, je reviens donc d'une mission au Runurak où l'idée est de suivre des oiseaux. Ils ne sont pas des insectes, des oiseaux nocturnes ou crépusculaires, peu connus parce qu'ils sont nocturnes. Donc ils sont difficiles à observer. En revanche, c'est assez facile de les entendre et de les enregistrer. On a installé 23 micros et ils enregistrent là le matin au lever du soleil, le soir au coucher du soleil et puis à une période pendant la nuit. De tous ces enregistrements, après, on essaiera de les analyser et de retrouver les oiseaux qui nous intéressent, par exemple le tinamou, des chouettes ou des hiboux locaux, des ibijos, qui sont aussi des oiseaux nocturnes, pour savoir, est-ce que d'abord ils sont là? C'est une information importante pour la gestion de la réserve. Quand est-ce qu'ils sont là et où ils sont dans la forêt? Donc on va entrer dans des questions à la fois de comportement animal, mais aussi d'écologie animale et d'estimation du niveau de biodiversité, en tout cas pour ces oiseaux. Et puis on peut élargir encore l'échelle d'observation en s'intéressant à une communauté, c'est-à-dire un ensemble d'espèces, par exemple les oiseaux ou les amphibiens des nouraques, ou alors on élargit encore plus, on s'intéresse au paysage sonore qui est propre en effet à un biome. Alors un biome, c'est vraiment très très lâche, c'est sur des aires géographiques très larges, mais potentiellement c'est faisable. C'est-à-dire qu'il y a des plans de suivi acoustique qui sont à l'ordre de régions, voire de pays. C'est ce que nous permet l'approche éco-acoustique, c'est de travailler à une large échelle spatiale. Admettons qu'on ait 15 ans d'enregistrement, on pourrait trouver quelque chose de l'ordre du rythme, d'une signature de la forêt, selon les saisons, selon les heures, selon... C'est ce que l'on espère. On commence à avoir des images annuelles de la dynamique de la forêt. Et donc, nous, ce que l'on espère, c'est de comparer ces images annuelles les unes après les autres et de voir si ça évolue. On sait déjà qu'avec le changement climatique, là, les saisons des pluies, les saisons sèches dans cette forêt tropicale sont en train d'être un peu perturbées. Là, on y était en décembre, normalement, il ne pleut pas trop et il pleuvait tout le temps. Donc tout ça, ça va avoir des influences sur l'acoustique, puisque ça déclenche certaines populations. Par exemple, s'il pleut, ça peut déclencher certains amphibiens, ça peut aussi faire sortir des insectes, des cigales. Ou au contraire, si c'est très sec, ça va favoriser certaines espèces et puis défavoriser d'autres. Donc ça va probablement remanier un petit peu le paysage sonore de la forêt. Donc c'est ce que l'on pense voir au cours des années avec nos analyses. En écologie, souvent, on considère des frontières entre deux milieux, entre, par exemple, une lisière forestière, entre un champ ouvert et un bois, une forêt. Il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a des échanges de faune entre le milieu ouvert et le milieu fermé. Et temporellement, c'est un petit peu la même chose. Le matin et le soir, on passe d'un environnement à un autre et on a donc une très forte dynamique acoustique. Alors, je vous ai préparé un petit montage qui est assez brut, hein. L'idée c'est pas d'être esthétique, mais c'est de vous montrer la dynamique qui se passe de 16h45 à 21h, une compression du temps, un petit time-lapse. On a 3 secondes tous les quarts d'heure sur 5 heures en fait. Alors on va écouter ça. Top. Donc, en effet, c'est coupé, collé, il n'y a aucun effort de lissage esthétique, c'est pas spatialisé, rien, parce qu'on ne cherche pas à faire du beau, on cherche à avoir des informations. Est-ce que le singe hurleur est passé ? Ce jour-là, il n'est pas passé, en tout cas, on ne l'a pas dans les 3 secondes qu'on en a extraite, mais on l'a très souvent. C'est un son absolument inévitable en forêt tropicale guyanaise. Je vais vous faire écouter un enregistrement de singes hurleurs. Alors, les singes hurleurs hurlent plutôt la nuit, et c'est un son qui est mémorable, évidemment, qui est très très intense. Je vais vous faire écouter, donc top. On les entend souvent avant de les voir, comme très souvent pour le son. C'est toujours très impressionnant. On considère que les environnements sonores naturels sont divisés, qu'on peut les diviser en 3 grandes catégories. C'est Bernie Krause qui a défini ça. La biophonie, qui est l'ensemble des sons dus aux êtres vivants, donc les vocalisations des oiseaux, des amphibiens, des arthropodes, des mammifères, des poissons quand on passe sous l'eau, et la géophonie, qui est l'ensemble des sons qui sont des sons dits abiotiques mais naturels. Ça va être les sons des écoulements d'eau, des rivières, des torrents, de la pluie, du vent, des orages, et puis l'anthropophonie, qui est l'ensemble des sons dus aux humains. Alors vous parlez d'individus comme on pourrait parler d'objets sonores. Là, l'important, c'est pas tant de reconnaître les animaux que d'écouter quelque chose de plus large. Les insectes, je les prends plus effectivement comme des objets sonores. Pour moi, ce sont des objets beaucoup plus anonymes. Écouter ces sons comme des objets, c'est une posture acousmatique, c'est-à-dire en fait, c'est l'idée de prendre un son et de le considérer comme un son. Et avoir une lecture, une écoute de ce son très abstraite. C'est quoi un paysage sonore ? L'idée, c'est de prélever quelque chose de réel et de l'amener à l'écoute de l'autre. Et comment je vais m'y prendre ? Eh bien, peut-être je vais reconstruire un paysage à partir d'éléments que je vais repérer, que je vais compter, que je vais identifier dans ce qui m'entoure. Quelle est la palette ? En fait, pour représenter un paysage, il faut d'abord que je rentre dans le paysage. Donc pour moi, la première idée, c'est de l'écouter les mains dans les poches, d'être quelqu'un qui écoute. Et c'est en écoutant le paysage que petit à petit, je vais percevoir son identité. Son identité, c'est quoi ? C'est quels sont les éléments et les organisations qu'il y a dans ce paysage sonore qui sont vraiment la signature du paysage en question. Donc je vais aller chercher un oiseau, je vais aller chercher une rivière s'il y en a une, je vais peut-être essayer d'enregistrer le vent puisqu'il y a du vent dans ce paysage parce que c'est un paysage qui souvent est venteux, etc. Si j'entends le vent d'ailleurs, qui ne fait pas de son en lui-même mais qui fait bouger les feuilles et qui fait du bruit dans les roselières, eh bien je vais m'orienter vers ces choses qui manifestent le vent. De la même manière, la pluie, on ne connaît pas le son de la pluie. On ne connaît que le son que fait la pluie en tombant sur des feuilles, ou sur de la terre, ou dans l'herbe, ou sur l'eau, etc. Donc d'un seul coup, la pluie révèle aussi des aspects visuels et le paysage. Et puis quelles sont les espèces qui vivent dedans, que je vais essayer d'enregistrer individuellement. Et puis plus tard, en studio, je vais partir dans la reconstruction du paysage tel que je l'avais entendu la première fois, quand j'avais les mains dans les poches. D'autres peuvent faire des enregistrements pour complètement autre chose, pour des études techniques, scientifiques, pour étudier des volumes sonores, pour étudier des vitesses, pour étudier des densités animales, pour étudier 10 000 choses, le spectre de vocal de certaines espèces, etc. Leur objectif, c'est ça. C'est vraiment une question de posture. On écoute un exemple ? On va se retrouver par exemple à Quetzalan. Quetzalan, c'est dans la forêt pluviale. Cette fois-ci, on est à 1000 mètres d'altitude, un peu à l'est de Mexico. C'est une forêt qui est arrosée d'au moins 5 mètres de pluie par an. C'est un endroit extrêmement humide. Et précisément, j'y arrive après un orage. J'avais enregistré l'orage, mais là, on va entendre le paysage au moment où la pluie vient de se terminer et où commence à chanter les batraciens qui, curieusement, ne chantaient pas pendant le gros de l'orage. Et quelque chose va s'installer qui est un paysage de nuit. Alors, lorsque je reconstruis un paysage, je n'interromps jamais le discours d'un individu. J'essaye toujours de présenter un individu avec le début de sa séquence et la fin, de manière à ce que la logique, la forme de son discours soit préservée. Je ne fais aucun montage dedans, je ne fais aucune variation de vitesse, etc., etc. C'est-à-dire, je respecte scrupuleusement ce que chacun a dit. Et voilà différents sons, comme ce batracien, par exemple. Alors, dans le paysage que nous écoutions précédemment, cet individu était présent. Mais évidemment, il n'était pas présent à ce volume-là. Mais pour en faire un portrait, qui m'intéresse aussi comme objet, et peut-être avec lequel je pourrais un jour composer aussi autre chose, pour moi, il m'intéresse de prendre cet individu, son chant, d'en extraire son identité et l'extraire du paysage. Et c'est parce que je l'ai bien sorti du paysage que je pourrais le replacer dans un paysage que je construis. Alors je peux aller en chercher un autre son, comme celui-ci, qui lui aussi est enregistré avec une assez grande proximité. Ou bien un autre ici. Alors j'arrive à un certain moment à avoir une collection de ces portraits d'individus, et ça ne va pas être la seule chose avec laquelle je vais pouvoir composer le paysage, parce que tous ces sons n'ont pas d'espace, précisément parce qu'ils sont comme dans un photomaton très proche, avec pas grand chose comme figure qui nous disent il est devant, il est derrière, etc. etc. Et donc dans la composition du paysage, j'ai aussi besoin de ce que j'appelle un peu vulgairement pour moi, des fonds de source. C'est-à-dire de temps en temps, j'aime bien enregistrer le paysage quand il ne se passe pas grand-chose dedans. Mais quand il ne se passe pas grand-chose, en fait, on enregistre l'espace, on enregistre la profondeur, on enregistre l'impression que c'est grand. Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est grand. Et c'est comme un fond de tableau, et sur ce fond de tableau, je vais pouvoir poser des objets, des figures, qui elles sont assez précises. Et je me trouve dans une situation de peintre paysagiste. Il semble, dans certains cas, que les espèces occupent des espaces sonores qui leur sont propres et qui sont peu chevauchants. Donc c'était l'idée de niche acoustique qui a été proposée par Bernie Krause dans les années 60, il y a un moment, et que l'on retrouve en effet de temps en temps. Moi j'ai pu retrouver au Mexique. Ici, on ne l'a pas testé vraiment en Guyane, mais il semble quand même, quand on regarde ces sons, quand on les écoute, qu'en effet, chaque espèce occupe une bande de fréquence et que ces bandes de fréquence s'excluent les unes par rapport aux autres. Si bien qu'il y a une sorte d'étagement fréquentiel avec des espèces qui sont dans les fréquences plutôt graves, d'autres dans les médiums et d'autres dans les fréquences aiguës. Ça demande à être confirmé, à être testé. Pourquoi il y aurait en fait ce partage de l'espace sonore? C'est que ces insectes ou les autres animaux produisent des sons au moment, le plus souvent au moment de la reproduction. C'est un moyen de se dire je suis prêt à me reproduire et puis je suis de telle espèce ou de telle espèce. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que deux espèces qui chanteraient en même temps s'interféreraient, brouilleraient un petit peu les messages entre les mâles et les femelles des deux espèces. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un évitement sonore, et que dans cette forêt notamment où il y a beaucoup de sons, si tout le monde chante en même temps la même chose, il y aura des problèmes de communication. La première fois que j'ai assisté à une reproduction explosive, c'était sur la montagne de Caux en Guyane. Souvent, c'est en décembre. On ne sait jamais quand est-ce que ça va se déclencher. Moi, j'avais loupé plusieurs fois le coche, en fait. Et on commence à entendre la rumeur s'approcher. On dit « Waouh, c'est maintenant, ça y est, c'est ce produit ». Et là, on est littéralement éjecté de nos hamacs par le son de l'explosion qu'on entend de loin. Je m'appelle Thomas Tizzi et je suis compositeur de musique expérimentale. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'on campe, qu'on carbette au bord d'une mare, à petite distance de la mare, et qu'on attend qu'il se passe quelque chose. On est vraiment dans une posture d'attente et d'observation, puisque le phénomène de la reproduction explosive, c'est-à-dire vraiment ce moment où l'environnement sonore explose à une centaine de décibels, avec des dizaines, voire centaines de milliers de grenouilles qui sortent à la fois de la litière et qui descendent de canopée. On a mesuré une centaine de décibels acoustiques à un mètre de hauteur, au-dessus de la mare. Donc un effet sur les oreilles extrêmement singulier, puisqu'on a, c'est littéralement un mur de bruit, hein. On ne peut plus distinguer à ce moment-là les phonèmes des animaux. et un effet acoustique très très bizarre, où il y a toute une espèce de fourmillement qui va au creux de l'oreille, hein, quelque chose de très particulier. Et donc là, la fébrilité monte, et quand on arrive sur la mare et qu'on voit la marée de grenouilles, c'est la récompense, ouais. Et moi, je me pose pour écouter, dans un premier temps. Je tourne autour de la mare pour essayer de percevoir un petit peu à la fois la globalité du phénomène, mais la densité est telle que le premier sentiment, c'est vraiment d'être pris dans un chaos, d'être très surpris. Donc l'oreille s'adapte à la dynamique, le corps s'adapte à cet environnement-là. Et puis ensuite arrive évidemment l'envie de déballer le matériel et puis de placer des micros et de commencer à enregistrer tout ça. Voilà. On peut écouter ce qui se passe avant, juste avant la reproduction explosive. Il n'y a quasiment aucune espèce qui est présente avant et après l'explosif qui est visible pendant l'explosif. Il y a un changement de communauté radical. Voilà, donc là, on entend un son très grave en dessous qui est en fait une grosse espèce du genre Leptodactylus qui fait des roulements, là. Et il y a un autre Leptodactylus de plus petite taille qui fait un roulement plus aigu, qui est juste au-dessus, mais qu'on distingue très bien de l'autre. Et puis on entend des sons très haut perchés, en fait, qui appartiennent à différentes espèces de rainettes, notamment des sons très très cristallins qui arrivent à des fréquences autour de 4,5 kHz. Et puis des sons plus râpeux, là, qui sont des petites espèces de synax. Une reproduction explosive, c'est en fait une reproduction en masse, de se reproduire en même temps, en grand nombre. Ça permet simplement de saturer les prédateurs, c'est-à-dire que du coup, la proportion d'individus qui pourront être prélevés par les prédateurs sera infime par rapport au nombre de descendants qui vont être générés à cette occasion-là. Les reproductions explosives, c'est principalement quand l'eau commence à s'accumuler dans les mares. Il faut des pluviométries intenses et relativement constantes pendant 72 heures afin de déclencher une reproduction explosive. Une prise de pouvoir extrêmement massive de ces animaux sur l'environnement qui se détache et qui contrebalance complètement l'imaginaire qu'on a de ces forêts tropicales où tout serait supposément harmonisé, cette question des niches acoustiques où chacun a sa place dans l'environnement. Les explosifs, c'est exactement le contrepoint de ça. C'est un vrai mur de bruit qui a sans doute plein de fonctions, celle d'éloigner les prédateurs, y compris les humains, hein, puisque c'est assez dur à vivre pour les gens qui travaillent sur site ou les naturalistes qui viennent observer le phénomène. Il y a un sentiment d'assister à quelque chose de très intime, en tout cas. On a l'impression de réellement pas être à la bonne place, d'être un espèce de petit observateur caché, là. Et j'ai vraiment l'impression, à cet endroit-là, que les animaux font société, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'on a... On a quelque chose qui se passe dont on ne peut que poser des espèces d'explications, de spéculations sur les raisons de ce phénomène et ce qui s'y joue, sans pouvoir le comprendre réellement, quoi. Quand on sort de nos hamacs, quand on est réveillé, voilà typiquement ce qui se passe. Il y a une migration qui se passe à ce moment-là vers les mares, mais la synchronisation de la reproduction entre espèces, nous on a soupçonné qu'un signal acoustique pouvait jouer un rôle dans la synchronisation de ces événements entre espèces. On avait fait une première tentative avec Thomas Tilly en diffusant simplement le son d'une reproduction explosive dans une mare qui était encore à sec. Et en quelques dizaines de minutes, les grenouilles sont venues s'agglutiner à l'enceinte. Mais comme on avait diffusé toutes les espèces en même temps, vu que c'était, on ne pouvait pas savoir si c'était le son de chacune des espèces qui attirait la même espèce. Donc ce qu'on a fait 2 ans après, c'est qu'on a fait une manip en Guyane, sur 7 montagnes de Caux, sur 3 mares en simultané. Et sur chacune de ces 3 mares, il y avait 4 stations. Une qui diffusait le son d'une grande rainette qui chante très grave. Une qui diffusait le son d'une petite grenouille terrestre qui chante aiguë. Une qui diffusait un son rose, c'est-à-dire un spectre sonore uniforme. Et une qui ne diffusait pas de son. Et on a clairement montré que le son des grosses rainettes attirait non seulement les grosses rainettes, mais aussi d'autres espèces. Alors que le son des petits grenouilles terrestres, les chasmocléis, n'attirait que les chasmocléis. Et donc on a effectivement montré qu'il y avait un rôle du son, une phonotaxie, une attraction sonore, hétérospécifique, c'est-à-dire qui ne concerne pas que l'espèce en question. Et ça, c'était assez nouveau, c'était assez intéressant. C'est un spectacle sonore, mais c'est aussi un spectacle visuel. Et quand on y est, c'est des millions, des milliers de petites boules jaunes de toutes les couleurs, sur certaines. Et les mâles, particulièrement, arborent des livrées nuptiales. Donc c'est possible qu'ils utilisent en fait des signaux visuels une fois qu'ils sont rassemblés dans la mare. Et que le signaux visuel prenne le relais sur les signaux sonores. Alors on a souvent des grosses frontales qui produisent de la lumière. Une fois que j'ai décidé d'un point d'écoute, d'un point d'enregistrement ou autre, moi, systématiquement, je coupe la lumière. J'allume une toute petite lumière qui me permet de voir mon matériel. D'une part, pour ne pas perturber les animaux. D'une autre, pour ne pas me perturber moi dans le rapport que j'ai à cet environnement-là. Et là, on a une espèce de balise qui est la brillance des yeux. On repère, en fait, quand notre œil à nous se réadapte, on voit les yeux des animaux se mettre à briller à différents endroits. Des fois, c'est toutes petites araignées, très souvent. Des fois, c'est des grenouilles avec des yeux assez massifs. Des petits mammifères, on voit cligner des choses. Lors de ma première venue en Guyane en 2013, sur les stations de recherche des nourags, j'ai très très peu dormi les premières nuits, tellement je n'arrivais pas à dormir, parce que j'étais complètement obsédé par ce qui se passait autour de moi. Donc j'ai passé des premières semaines extrêmement fatigantes, parce que j'étais tout le temps en train d'écouter, d'enregistrer, voire de me réveiller pour enregistrer. Ce qui est bien que j'ai fini mon séjour là-bas avec un enregistreur dans le hamac et je me réveillais spontanément pour appuyer sur REC. Je coupais des fois l'enregistrement. Bon, voilà. Mais il y a eu, je me souviens réellement d'une nuit où j'ai entendu quelque chose de très massif et très grave spectralement, fréquentiellement, généré par la forêt, assez loin de moi, comme une espèce de balayage lointain dans une nuit vraiment sans pluie, extrêmement calme, où là on était plutôt dans une écoute de ces fameuses niches acoustiques, de ces sons très diffus, et tout à coup un espèce de balayage arrive dans le bas du spectre, qui était en fait je me doutais un petit peu que c'était ça, mais c'est des sons qui sont imputables à des colonies de singes hurleurs qui marquent leur territoire. Là, ce qui m'a intéressé beaucoup plus, c'est de m'éloigner au maximum du phénomène pour faire que cet environnement proche et tous ces tintements de niches acoustiques s'équilibrent avec cette espèce de balayage produit par les singes en fond, de manière à ce qu'on puisse plus réellement déterminer ce qui se passe ni analyser précisément en termes de source. Ça, pour moi, c'est un vrai moment de prise de son. C'est ce moment où, en tant qu'écoutant, on se sent complètement inclus dans le processus, dans une espèce de boucle, dans une espèce de géométrie. Cette idée-là m'intéresse beaucoup. On est surpris par les sons, on est surpris par ce qu'on nous entoure, on est quand même dans une espèce de cathédrale végétale où il y a très peu de lumière au sol, même quand les nuits sont très brillantes, il y a très peu de lumière au sol. On est au cœur d'un environnement qui réveille tout un tas de choses, dont moi je me sers beaucoup pour travailler. Une fois rentré en studio, j'ai sélectionné des parties de ces enregistrements. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, à la fois, est-ce que l'environnement m'a livré, les prises de son que j'ai réalisées, en tout cas tous ces paramètres qui influent sur la démarche de terrain, tout ce qu'il y a sur les bandes va un moment, pour moi, faire sens en tant que pièce sonore et composition. Il y a une organisation des sons, il y a quelque chose qui se passe. Et dans un second temps, en studio, j'ai réanalysé mes enregistrements en analysant chaque espèce présente par enregistrement et ensuite traduit chaque espèce avec sa fréquence fondamentale jouée par des fréquences électroniques, des ondes sinusoïdales complètement artificielles, elles. L'idée étant de travailler à une forme d'interprétation entièrement électronique, et au final dans les pièces de faire frotter l'interprétation électronique et les phonographies du supposé réel pour arriver à une espèce de battement. Et en fait c'est ce battement qui m'intéresse. Est-ce que j'ose parler de rapport animique à la forêt ? Oui, il y a quelque chose dans cette idée-là. C'est d'arriver à projeter quelque chose qui soit le frottement des deux. Sans nier le fait que je suis ontologiquement naturaliste. Je m'invente pas une ontologie qui n'est pas la mienne. Mais en tout cas, c'est de questionner. Voilà. Ça se joue dans l'écoute, ça se joue dans le rapport au terrain, ça se joue dans la pratique du microphone, et puis ensuite dans le travail de studio et la manière de présenter ces pièces et de les faire écouter. L'intensité animale des forêts tropicales. Un documentaire d'Aline Pénito. Avec Bernard Faure, Antoine Fouquet, Thierry Aubin, Jérôme Sueur, Thomas Tilly et leur prise de son. Mixage, Manu Couturier. Merci à Olivier Adam. La série documentaire, attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier, coordination, Perrine Carvran.